et c'est l'heure de remonter le temps aujourd'hui dans l'histoire. Avec vous, bien sûr, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 24 avril de quelle année ? De 1617, hier on était en 1616, rappelez-vous. Alors, c'est l'assassinat du maréchal d'Ancre, hein, 24 avril 1617. Le maréchal d'Ancre qu'on connaît sous le nom de Concino Concini, le pire des sombres personnages qui est entouré Marie de Médicis. On peut dire que pour le tout jeune roi Louis XIII, sa mort est une libération. Il s'agit donc, si je vous suis bien Franck, d'un assassinat. Ah oui, là je vois pas comment on pourrait appeler ça autrement. Si vous admettez que le malheureux a été pris au piège, lardé de coups, criblé de balles par plusieurs grands seigneurs patentés, depuis un autre assassinat, celui d'Henri IV par Ravaillac en 1610, donc 7 ans plus tôt, Concini, qui était le favori de la reine-mère et le mari de la célèbre Galigai, était devenu tout puissant. Évidemment, ça finissait par poser des problèmes, et ce sont des amis de Louis XIII, du jeune Louis XIII, notamment le baron de Vitry, qui, avec la tacite bénédiction du jeune souverain, ont monté une embuscade. Et en ce matin maussade du 24 avril 1617, Concini était en train d'entrer au Louvre, il est un peu plus de 9h du matin, il est entré du côté de Saint-Germain-l'Auxerrois, avec dans une main des papiers, dans l'autre des fleurs qu'il destinait à la reine Marie. On le laisse passer, on le coince entre deux portails, on l'admoneste, et avant qu'il ait seulement eu le temps de tirer l'épée, on l'attaque. Je vous l'ai dit, on l'a fini par l'achever à coups de pistolet. Vous disiez que sa mort a été une libération pour Louis XIII. Ah ben c'est certain, hein. Lorsqu'il entend les coups de feu et l'agitation de l'assassinat, le tout jeune Louis XIII, qui est excité comme une puce, se précipite vers l'une des grandes fenêtres de son appartement, et tandis que déjà, de toutes parts, on acclame le jeune souverain, Louis apparaît, il est là à la fenêtre, tout ému, soulagé, et il remercie à la cantonade. Merci mes amis, grand merci, à cette heure, enfin je suis roi, dira-t-il. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour un grand rendez-vous autour d'un autre ministre à peu près de la même époque, un tout petit peu avant, c'était Sully, le grand ministre d'Henri IV. Et pour les retardataires, il y a évidemment le podcast sur Europe 1.fr.